Le bonze Kai Tsang sauvé des eaux, histoire bouddhique. La ville de Changdang, dans le Chenxi, est le lieu où les empereurs ont successivement établi leur cour depuis les Cheu, les Tsin et les Han jusqu'à nos jours. Le mot Changdang signifie proprement « lieu du repos éternel ». Il s'applique au pays où habite la cour. Dans ce passage, il désigne la ville de Xinganfu, capitale des Tang. Elle est partagée en trois îles étincelantes comme des écharpes brodées. Huit bras de rivière baignent ses murs, aussi jouit-elle d'une grande célébrité. Quand Tai Tsong de la dynastie des Grands Tang prit les rênes du gouvernement, il data de l'année Qinquan, en 627 de Jésus-Christ. Or, la 13e année de son règne, l'Empire jouissait d'une paix profonde. Les huit provinces payaient le tribut et les quatre mers reconnaissaient la souveraineté de la Chine. Un jour, Tai Tsang était sur son trône. Les magistrats civils et militaires réunis autour de lui achevaient de faire leur cour lorsque le ministre Wei Qing sortit des rangs des courtisans et s'adressant à l'empereur. « Aujourd'hui, dit-il, que le calme le plus parfait est rétabli dans le royaume, que les huit provinces sont pacifiées et tranquilles, il serait bon d'ouvrir, conformément aux lois de l'Antiquité, un concours général et d'y appeler les lettrés recommandables par leur sagesse et leur lumière, afin de choisir parmi eux et de tirer parti de leur capacité pour ramener le peuple à la vertu. « La proposition de mon digne ministre est pleine de raison, » répondit Tai Tsong. Aussitôt, il rendit un décret qui fut promulgué dans toutes les villes, dans tous les districts, dans toutes les provinces et jusque dans les camps. Il portait que les lettrés initiés à la lecture des livres classiques, capables d'en pénétrer le sens et de développer avec clarté, et de présenter les trois compositions pour le doctorat, eussent à se rendre au concours général de la capitale. L'ordonnance impériale parvint au pays de Haicheu. Un jeune homme nommé Jingo, dont le titre honorifique était Quanjui, le bouton brillant, aperçut cette affiche à la porte du palais. De retour chez lui, il dit à sa mère Changqi, « Un édit émané du trône proclame un concours dans la province du Sud afin de pouvoir, d'après le résultat de l'examen, employer les lettrés selon leurs vertus et leurs talents. Votre fils a le désir de s'y présenter. S'il obtient une magistrature ou un grade quelconque, il donnera de l'éclat à son nom, se mariera et élèvera des enfants qui soutiendront l'honneur de sa famille. Votre fils est tout décidé. Seulement, il tenait à consulter sa mère avant de partir. « Mon fils, répondit Changqi, vous êtes versé dans la connaissance des livres classiques. Pendant l'enfance, on étudie, et, arrivé à l'âge mûr, on tire parti de son savoir. Ainsi, il faut aller comme les autres à cet examen. Mais, durant le voyage, soyez attentif à ce que vous ferez, et, si vous obtenez quelque emploi, revenez au plus vite vers votre mère. » Quan Jui ordonna aussitôt à ses domestiques de tout disposer pour le départ. Puis, après avoir pris congé de sa mère, il se mit en route et ne tarda pas à arriver dans la capitale. Le concours venait de s'ouvrir. Quan Jui présenta ses compositions. L'issue de l'examen prouva qu'il était admis et son nom fut porté le troisième sur la liste. Le grand souverain de la dynastie des Tang de son pinceau impérial lui conféra le titre de docteur. Ensuite, le lauréat, monté sur un cheval, parcourut la ville pendant 3 jours. Or, comme il passait devant la porte du palais habité par le premier ministre Wei Qing, la fille de ce dignitaire, appelée Wen Qiao et aussi Moan Tang Qiao, se trouvait dans son appartement tout tapissé de festons et de guirlandes. Cette jeune personne, qui n'était pas mariée encore, tenait à la main une petite balle de soie qu'elle allait lancer pour deviner par le sort l'époux qui lui était destiné. Dans ce moment, le nouveau docteur vint apparaître sous le balcon. La fille de Wei Qing vit en lui, au premier coup d'œil, un homme au-dessus du vulgaire. Et quand elle reconnut que c'était un des vainqueurs du dernier concours, son cœur fut rempli de joie. Saisissant donc la petite balle, elle la jeta rapidement, de manière qu'elle alla frapper le bonnet de gaze noir du docteur Quang Jui. Il entendit alors avec surprise une charmante musique de flûtes et de hautbois retentir dans le palais. Bientôt, une dizaine de servantes descendues de l'étage supérieur arrêtèrent son cheval à la bride et l'introduisirent lui-même dans le palais pour accomplir l'union. Le ministre sortit de la grande salle, accompagné de son épouse, accueillit le docteur avec beaucoup de politesse et le pria d'entrer, puis il lui accorda la main de sa fille. Quang Jui s'inclina jusqu'à terre, et lorsque les époux eurent achevé réciproquement toutes les civilités dictées par les rites, le jeune homme salua respectueusement ses nouveaux parents des titres de beau-père et de belle-mère. Un grand repas fut commandé par Wei Qing. La nuit se passa en réjouissance, et les époux furent conduits par la main dans l'appartement parfumé. Le lendemain, à la cinquième veille, Tai Tsong siégeait sur son trône dans le palais des clochettes d'or. Les officiers civils et militaires étaient venus faire leur cour. L'empereur demanda quel emploi il convenait d'accorder au nouveau docteur Quang Jui. Le ministre prit la parole et dit « Votre sujet fait observer que la préfecture de Qiangcheu est la seule qui se trouve vacante et il ose la demander pour Quang Jui. » Le mot de préfecture n'est pas plus impropre que celui de département, les Chinois étant dans l'usage de désigner leur province d'après les fleuves qui les arrosent ou les montagnes qu'elles renferment. Le Qiangcheu correspond au pays de Hou et de Tsu, au temps où la Chine était divisée en 7 petits états, c'est-à-dire jusqu'à l'an 221 avant Jésus-Christ, époque à laquelle Wang Ti, de la dynastie des Qin, détruisit toutes ses principautés féodales. Le fleuve Qiang, le plus grand de la Chine, avec le fleuve jaune Huanghe, prend sa source dans les montagnes du Tibet et se jette dans la mer orientale après un cours de 600 lieues. Tai Tsong lui accorda cette faveur en intimant au nouveau magistrat l'ordre de partir immédiatement pour le lieu de sa résidence et d'y arriver dans le délai qui lui était assigné. Après avoir témoigné sa reconnaissance à l'empereur, Quang Jui revint à l'hôtel du ministre afin de s'entendre avec son épouse sur les préparatifs du voyage. Puis il prit congé de ses parents et partit en compagnie de Wen Qiao pour le Qiangcheu. Ils quittèrent donc la capitale et poursuivirent leur marche. Le printemps faisait sentir sa douce influence. Une brise attiédie balançait la tige des saules. Une pluie fine tombant goutte à goutte arrosait le calice empourpré des fleurs. Profitant de l'occasion offerte par la direction de la route, Quang Jui alla saluer sa mère et lui présentait son épouse. Chang Chi témoigna toute sa joie de voir son fils marié et revenu vers elle d'après sa recommandation. Elle écouta avec intérêt le récit que lui fit le nouveau docteur de ses triomphes, de son mariage et de sa nomination. Quang Jui terminait en exprimant le désir d'emmener sa mère. Cette proposition plut à la vieille dame qui se disposa en conséquence. On partit, et en quelques jours on fut rendu à l'auberge de Wanhua, où l'on prit quelques repos. Chang Chi, s'étant trouvé subitement indisposé, dit à son fils « Je suis malade. Il est à propos que je reste 2 jours encore à me soigner dans cette hôtellerie, après quoi nous partirons. » Quang Jui accéda aux volontés de sa mère. Le lendemain, de grand matin, il vit à la porte un homme tenant à la main un poisson d'une belle couleur d'or, de l'espèce dite Li Yu, qu'il voulait vendre. Le docteur acheta ce poisson, mais à l'instant où il se disposait à le faire rôtir pour l'offrir à sa mère, Il s'aperçut que l'animal se débattait, ouvrait et refermait les yeux. « J'ai entendu dire, » songea Kwang Jui, tout stupéfait, « que quand les anguilles ou les autres poissons agitent ainsi les yeux, c'est un avertissement qu'il ne faut pas négliger. » Il alla donc demander au pêcheur où il avait pris ce poisson. « À 10 lis d'ici, » répondit l'étranger, « dans le fleuve Hong Kong. 10 lis font 1 lieue. » À ces mots, Kwang Jui prit l'animal et courut le remettre dans l'eau. Puis, après avoir rendu la vie à cet être créé, il vint annoncer cette bonne action à sa mère. « Rendre la vie aux animaux est une œuvre méritoire, » dit la vieille dame, « et ce que vous avez fait là me remplit de satisfaction. »« Ma mère, » reprit Kwang Jui, « voilà déjà 3 jours que nous sommes ici. Le délai accordé pour la route va bientôt expirer. Votre fils désire se remettre en marche demain, mais comment est la santé de ma mère ?»« Pas très mauvaise, » répartit Chang-chi. « Cependant, voyager par une saison aussi chaude pourrait, je le crains, aggraver mon indisposition. Louez une chambre, laissez-moi de quoi y vivre jusqu'à ce que je sois rétabli, et partez devant tous deux. Aux premières fraîcheurs de l'automne, vous viendrez me chercher. » Ce plan fut communiqué par le docteur à son épouse, qui l'adopta. Ils firent leurs adieux à Chang-chi et se mirent en route. La difficulté des chemins leur causait beaucoup de fatigue. Après avoir marché tout le jour, la nuit, ils faisaient halte. Enfin, ils arrivèrent à l'endroit où l'on s'embarque sur le fleuve Hong Kong, et là, ils rencontrèrent les deux mariniers, Lieu Hong et Li Pieu, qui venaient en ramant vers le rivage où ils étaient arrêtés. Dans une existence antérieure, Kwang Jui avait été destiné à devenir la victime d'une grande infortune, et il allait ainsi au-devant de son ennemi. Les bagages portés par son ordre sur le bateau, son épouse et lui s'embarquèrent avec leurs domestiques. Le patron de la barque, Lieu Hong, fixa ses regards sur la jeune femme. Son visage était arrondi comme la pleine lune, ses yeux brillaient comme les flots en automne. Le mot Tsieu Po, vague d'automne, exprime souvent par élégance deux beaux yeux de femme. Sa bouche, petite et fraîche, ressemblait à une cerise. Sa taille de guêpe offrait la flexibilité du saule. Elle avait la grâce du poisson qui plonge sous les eaux ou de la mouette qui se laisse tomber du haut des cieux. Sa beauté éclipsait la lune et faisait honte à la fleur. Tant de charmes firent naître de mauvais desseins dans le cœur du batelier, qui les communiqua à son compagnon Li Pieu. Par suite de leur complot, le bateau fut dirigé sur une plage déserte, et vers la 3e veille de la nuit, au milieu du silence et de l'obscurité, ils commencèrent par tuer les domestiques, puis massacrèrent Kwang Jui et jetèrent son corps au milieu des eaux. À la vue de son mari égorgé, Wen Qiao allait se précipiter dans le fleuve, mais Lieu Hong la retint. « Si vous obéissez, lui dit-il, tout ce que vous pourrez souhaiter vous sera accordé. Si au contraire vous me résistez, je vous frappe avec ce poignard. » La jeune dame ne savait quel parti prendre. Il lui fallut forcément se soumettre aux circonstances, et elle resta à la merci du brigand. Après avoir atteint la rive méridionale du fleuve, Lieu Hong remit le bateau entre les mains de son complice Li Pieu. Et, ayant revêtu les habits et pris le diplôme du malheureux magistrat, il se rendit avec sa veuve dans le Kiangcheu pour y remplir la charge de sa victime. Or, les cadavres des domestiques assassinés par le bandit avaient flotté au fil de l'eau, tandis que celui de Kwang Jui était allé à fond. L'esprit préposé à l'inspection des mers, qui se trouvait à l'embouchure du fleuve, l'aperçut et, avec la rapidité de l'étoile qui file, il courut faire son rapport au roi des dragons qui était assis sur son trône. Un lettré inconnu, lui dit-il, a été égorgé il n'y a qu'un instant à l'entrée du fleuve Hongkang. Son corps est descendu au fond des eaux. Le roi des dragons se fit apporter le cadavre et, après l'avoir considéré attentivement, il s'écria « C'est l'homme généreux qui m'a sauvé la vie. Par qui donc a-t-il été mis à mort ?» Puis il ajouta « Un bienfait reçu mérite une récompense égale. Je dois de mon côté le rappeler à la vie pour reconnaître le service qu'il m'a rendu ces jours passés. » Il écrivit de suite un billet et chargea ce même satellite de le porter au génie qui préside à la ville principale, Hongcheu. Dans cette lettre, le roi des dragons priait ce dernier de lui rendre l'âme du docteur défunt afin qu'il pût la rappeler à la vie. Le dieu tutélaire de la ville ordonna à un petit génie de prendre l'âme de Quangjui et de la remettre à l'envoyé du roi des dragons. Celui-ci, muni de son précieux dépôt, le transporta au fond des eaux dans le palais de son maître. « Lettré, quel est ton nom? Quelle est ta patrie? Comment es-tu tombé dans ce malheur? Et pour quelle cause as-tu été victime d'un assassinat ?» À ces questions, Quangjui salua respectueusement le roi des dragons, lui raconta toute son histoire et le supplia de le faire revivre. « Eh bien, reprit alors le dieu des mers, toute cette histoire roule sur la croyance que la carpe couleur d'or, King Li Yu, se change en dragon à certaines époques de l'année. Ce petit poisson d'or que tu as remis dans l'eau, c'est moi. Si l'homme auquel je dois la vie se trouve à son tour dans le même danger, pourrais-je ne pas le sauver? » À ces mots, il releva le cadavre de Quangjui, plaça dans sa bouche un certain nombre de pierres précieuses pour empêcher la dissolution du corps. Puis, quelques jours après que son âme fut réintégrée, il lui dit « Maintenant que tu as recouvré la vie, les circonstances t'obligent à vivre dans l'empire des eaux. Reste-y avec un grade à ma cour. » Cette offre fut acceptée avec empressement par Quangjui, qui en exprima sa gratitude au roi des dragons. Mais revenons à la veuve du docteur. Dans son aversion pour l'assassin de son époux, elle ne voulait se nourrir que de légumes et dormait sur la dure. Cependant, elle était enceinte et ignorait de quel sexe serait l'enfant qu'elle devait mettre au jour. L'idée de cette phrase, traduite trop mot à mot, est celle-ci. Elle ignorait si elle ne mettrait pas au monde un fils qui dût un jour venger son père. Dans cette perplexité, elle avait dû obéir à la force des événements et suivre Liéou. Bientôt, ils arrivèrent dans le Kiangcheu. Les greffiers et les employés inférieurs de la cour allèrent au-devant de celui qu'ils prenaient pour le magistrat. Les fonctionnaires subalternes vinrent eux-mêmes à l'hôtel complimenter, d'après l'ordre de leur rang, le nouveau préfet. En acceptant cet emploi, leur dit Liéou Hong, « je compte sur le concours de vos lumières pour aider mes faibles talents. »« Seigneur, répondirent les magistrats, votre rare génie, votre haute capacité suffiront. Vous regarderez le peuple comme votre fils. L'équité présidera à vos jugements et les punitions seront appliquées avec impartialité. Tel est l'espoir de vos subordonnés. De grâce, daignez être moins humbles. » Après cette visite, ils se retirèrent. Les instants fuient avec rapidité. Un jour que Liéou Hong était sorti pour des affaires publiques, la jeune dame restée à l'hôtel était occupée du souvenir de son époux et de sa belle-mère, et elle se désolait dans la galerie si bien décorée de sa nouvelle demeure. Tout à coup, elle se sentit malade, de violentes douleurs l'assaillirent, elle s'évanouit. Bientôt, elle donna naissance à un fils, et une voix se fit entendre qui disait « Jeune dame, prêtez l'oreille à mes paroles. Je suis le génie du pôle sud. La déesse Kuang Yin m'envoie vous offrir ce fils. Un jour, sa réputation sera immense et sans rival. Liéou Hong cherchera à le faire périr. Veillez de tout votre cœur à sa conservation. Votre époux a été sauvé par le roi des dragons. Dans quelque temps, Vous et lui resserrerez les liens d'affection qui vous unissaient, et une éclatante vengeance confondra votre ennemi. Un jour viendra où vous vous souviendrez de tout ceci. Rassurez-vous donc et reprenez vos sens. » Puis la voix se tut. Revenue à elle, la jeune mère grava dans son esprit les paroles qu'elle venait d'entendre et serra son enfant dans ses bras, ne sachant trop que devenir. Au même instant, Liu Hong entra, et dès qu'il aperçut l'enfant, il voulut le faire précipiter dans le fleuve afin de s'en débarrasser. « Il fait déjà nuit, » objecta la jeune dame. « Attendez à demain que le jour paraisse. Alors il sera jeté dans les eaux et vous serez satisfait. » Le lendemain, une affaire importante appela de nouveau Liu Hong au tribunal. Quand il fut parti, la pauvre mère, pleine de sollicitude pour son enfant, pensa que si elle attendait encore une fois le retour du bandit, c'en était fait de son fils. Il valait donc mieux dès aussitôt le déposer sur le fleuve et l'abandonner à son sort. « Peut-être, songea-t-elle, le ciel laissera tomber sur lui un regard de pitié. Il se trouvera quelqu'un qui sauvera mon fils, en prendra soin, et un jour le hasard nous réunira. Cependant, il sera difficile de le reconnaître. » Éclairée par cette pensée, elle se mordit à la main et écrivit avec son sang sur du papier les noms de ses pères et mères, ainsi que tout le détail de leur triste aventure. Puis elle fit avec les dents une marque au petit doigt du pied gauche de l'enfant. Déchirant ensuite ses vêtements, elle en prit un lambeau dans lequel elle l'enveloppa. La porte de l'hôtel se trouvant ouverte, c'était une occasion favorable. Par bonheur aussi, il n'y avait pas loin de là au fleuve. En arrivant sur le rivage, la jeune mère versa un torrent de larmes, et comme elle cherchait quelque objet qui pût flotter, elle remarqua une branche que la violence du vent avait arrachée. Après avoir rendu grâce au ciel de cette heureuse circonstance, elle place l'enfant sur la branche, attache sur sa poitrine le billet mystérieux et le confie ainsi à son sort au milieu du courant. Puis, essuyant ses pleurs, elle rentre à l'hôtel. Entraîné par les flots, le frêle radeau alla aborder au pied du couvent de King Chan. Le supérieur de cette communauté, le bonze Fa Ming, était un vieillard très avancé dans la pratique des vertus, éclairé sur tous les points de la doctrine et parfaitement instruit des préceptes de Fo. Assis dans la posture d'une méditation profonde, il était livré tout entier à la pensée du Dieu quand tout à coup les cris d'un petit enfant arrivent à lui. Son cœur est ému. Il court au bord du fleuve. Que voit-il ? Une branche flotte au gré des eaux, sur laquelle est attaché un enfant nouveau-né. Comme il s'empresse de le déposer à terre, il aperçoit un billet écrit avec du sang, qui lui fait connaître les noms et l'histoire de Quang Jui et de son épouse. Le vieux bonze recueille le nouveau-né, lui donne le nom de Qiang Liu, flottant sur le fleuve Qiang, et le confie aux soins d'une personne qui l'élève, mais il garde et cache avec soin le papier mystérieux. Les instants passent comme la flèche, les jours et les mois sont rapides comme la navette du tisserand. L'enfant grandit, et quand il eut atteint l'âge de 18 ans, le bonze désira qu'il coupât ses cheveux et se livrât à l'étude de la vertu. Couper les cheveux est le premier acte d'initiation pour le novice bouddhiste. Ensuite, on lui impose un nom de religion. Alors, il lui imposa le nom de Kai Tsang. Le jeune novice s'appliqua de tous ses efforts à suivre les commandements de la loi et à affermir son cœur dans la pratique de la vertu. Un jour, que l'air vivifiant du printemps réjouissait la nature, tous les bonzes rassemblés à l'ombre des pins développaient les textes sacrés et parlaient sur la méditation. Ce qu'ils disaient en faveur de l'abstinence du vin et de la viande était profond, difficile à saisir, et malgré l'accord de tous les religieux sur ces points, le novice avait de la peine à en pénétrer le vrai sens. Les préceptes de la loi bouddhique défendent aux bonzes l'usage du vin, de la viande et de certains légumes. Les bonzes, irrités, lui adressèrent des injures. « Stupide ignorant, lui dirent-ils, on ne connaît ni ton père ni ta mère. Tu n'es qu'un absurde démon venu, on ne sait d'où. » Ainsi outragé par leurs paroles, le novice courut aussitôt se jeter aux pieds du vieux bonze, et, fondant en larmes, il lui dit « L'homme qui naît entre le ciel et la terre a pour base de son existence et pour appui les deux principes qui président à la formation de tous les êtres. » La cosmogonie développée dans le premier chapitre du roman d'où cette nouvelle est extraite explique ainsi la naissance de l'homme et des êtres vivants. À l'heure Tchéou, de 1 à 3 heures du matin, du grand jour de la création, Yuwen, qui embrasse 129 600 ans, le principe subtil du ciel descendit, le principe terrestre, plus grossier, s'éleva. Le ciel et la terre entrèrent en jonction, et dans la seconde partie de cette division du jour naquirent le premier homme et les animaux qui se meuvent sur la terre et dans l'eau. Il a sa cause et son origine dans les cinq éléments. Ce sont là et le père qui lui donne l'être et la mère qui le nourrit. Comment donc y aurait-il dans le monde un homme qui n'eût ni père ni mère? Deux et trois fois, je vous supplie avec instance de me dire quels sont les auteurs de mes jours. « Eh bien, répondit le chef des bonzes, si tu veux arriver à connaître leur nom, suis-moi dans ma cellule. » Kai Tsang l'y accompagna avec empressement. Là, le vieux bonze tira de derrière la poutre principale une petite boîte. Il l'ouvrit et y prit le papier ensanglanté avec le lambeau de vêtements qu'il remit au novice. Celui-ci déploya l'écrit fatal et apprit avec les noms de ses parents la vengeance que sa mère attendait de lui. À cette lecture, Kai Tsang éclata en sanglots, tomba la face contre terre et s'écria « Quoi ? L'injustice dont mon père et ma mère ont été victimes n'est point encore vengée, et j'ai pu arriver jusqu'à l'âge de 18 ans sans connaître ceux à qui je dois la vie. Maintenant il m'est révélé que ma mère existe, et moi, si vous, mon père, ne m'aviez sauvé des eaux, élevé, soigné de vos mains, comment aurais-je pu voir ce jour décisif? Oh, permettez donc à votre disciple d'aller à la recherche de sa mère. » Dans la suite, portant un vase du plus précieux parfum, il fondera un monastère dans lequel vous serez traité avec les plus grands égards, et il vous témoignera ainsi sa profonde reconnaissance. « Si tu désires, répondit Faming, entreprendre cet acte pieux, munis-toi de ces divers objets, puis, sous les dehors d'un bonze mendiant, va frapper à la porte de l'hôtel du préfet de Qiangcheou. Là, tu pourras avoir une entrevue avec ta mère. » Kai Tsang suivit en tout point les instructions du chef du couvent. À l'instant où il arriva à la demeure de Lié Wuhong, le bandit était sorti pour affaire. Le ciel avait dit que le fils aurait un entretien avec sa mère. Le novice demanda donc l'aumône aux portes du palais. Or, cette même nuit, la veuve de Kuang Jui avait eu un songe. La lune, échancrée la veille, avait arrondi son disque. Elle se dit donc: « Je n'ai pas entendu parler de ma belle-mère. Mon mari est mort assassiné par le bandit. Mon fils a été exposé sur le fleuve. Si quelqu'un l'a retiré des eaux pour l'élever, il doit avoir maintenant 18 ans. Peut-être le ciel a-t-il décrété que nous serions réunis aujourd'hui. Qui sait ?» Elle fut interrompue dans ses réflexions par une servante qui lui annonçait qu'il y avait à la porte un religieux récitant des prières et demandant l'aumône. Aussitôt la dame se leva frappée de cette coïncidence. « Et d'où vient-il » demanda-t-elle. « Le pauvre religieux vient du couvent de King Chan, » répondit le novice. « Il est disciple du bonze Fa Ming. Puisqu'il en est ainsi, entrez. » On servit au religieux le repas maigre exigé par les commandements, et tandis qu'il mangeait, la veuve de Kuang Jui, portant toute son attention sur ses manières et son langage, se disait « C'est l'image vivante de mon mari. » Ensuite, congédiant la servante, elle lui demanda si depuis son enfance il avait été voué à la vie du couvent ou s'il l'avait embrassé plus tard, comment il s'appelait, si son père et sa mère vivaient encore. Kai Tsang s'empressa de répondre. « Je ne suis point un religieux voué dès l'enfance à la vie des couvents, et ne suis point entré dans cette carrière à l'âge où l'on choisit une profession. Mais écoutez, j'ai reçu du ciel pour héritage une inimitié terrible, une haine profonde comme les mères. Mon père a été assassiné par un scélérat qui s'est emparé de ma mère, et c'est elle que je viens chercher ici, d'après les instructions de mon guide spirituel Fa Ming. Et quel est le nom de votre mère? Son nom de famille est Yin, et son petit nom Wen Qiao, ceux de mon père Qin Quan Jui. Je m'appelle moi-même Qian Liu. Mon nom de religion est Kai Tsang. En effet, Wen Qiao est mon nom, répartit la veuve. Mais où sont les preuves de ce que vous dites? À ces mots qui lui faisaient connaître sa mère, le novice s'était précipité à genoux et, avec des larmes mêlées de sanglots, il s'écria « Si vous ne me croyez pas, ô ma mère, voyez, voyez ces témoignages !» Wen Qiao regarde, il n'y avait plus de doute, c'était bien son fils. Elle le pressa dans ses bras en versant des pleurs et lui dit « Pars, mon fils, pars au plus vite !»« Quoi ? Je suis resté 18 années sans connaître les auteurs de mes jours, et au moment que je retrouve ma mère, c'est elle qui m'ordonne une si cruelle séparation. Ton amour te trahirait. Fuis par prudence, mon fils. Si Lié ou Hong revenait, il voudrait te faire périr. Demain, je feindrai d'être malade, et je dirai que depuis longtemps j'ai promis d'offrir à des bonzes 100 paires de souliers. C'est ton couvent que je choisirai pour y accomplir mon vœu. Là, du moins, nous pourrons nous entretenir. » Docile aux volontés de sa mère, Kai Tsang se sépara d'elle. Cependant, à la suite de cette double émotion de joie et de douleur, excitée par la vue de son fils, la veuve de Quang Jui tomba malade. Elle ne put rien prendre et ne se leva pas. Lorsque Lié Hong la questionna sur la cause de son indisposition, elle parla du vœu fait dans sa jeunesse de donner 100 paires de souliers à des bonzes. « Il y a 5 jours, ajouta-t-elle, j'ai vu en songe un religieux qui tenait en main un couteau en réclamant impérieusement le don promis. Cette vision m'a rendue malade. »« C'est peu de chose, en vérité, répliqua le brigand. Pourquoi ne pas m'en avoir averti plus tôt? En allant au tribunal, je vais charger mes 2 huissiers d'en faire confectionner une paire à chacune des 100 familles, et cela dans le délai de 5 jours. » En effet, à l'époque fixée, les 100 familles apportèrent l'ouvrage exigé. La veuve de Quang Jui demanda à Lié Hong où était le couvent auquel il convenait de faire cette offrande. « Dans la province de Qiangcheu, il y en a 2, répondit-il, celui de Qinchan et celui de Xiaochan. Vous pouvez aller dans le premier. » « D'ailleurs, reprit la dame, j'ai depuis longtemps entendu dire beaucoup de bien de ce couvent de Qinchan. C'est lui que je choisis. » Lié Hong envoya ses 2 huissiers préparer un bateau, et la mère de Kai Tsang, accompagnée de domestiques affidés, s'embarqua. Le bateau fut détaché du rivage et bientôt on aborda au pied du couvent. Au retour de son excursion, Kai Tsang était allé trouver Fa Ming et lui avait raconté tout ce qui venait de se passer. Le vieux bonze parut très satisfait du succès de l'entreprise. Le lendemain, on vit venir une servante qui annonçait l'arrivée de sa maîtresse. Tous les religieux sortirent au-devant de la jeune dame et l'introduisirent dans le couvent. Là, elle salua les images des poussas, revêtit des habits de deuil et dit à sa suivante de tirer de leur enveloppe les 100 paires de chaussures et de les déposer sur un plateau. Les poussas sont de saints personnages qui, arrivés par leur grande vertu à l'état de Bouddha, ne doivent plus, comme les autres mortels, continuer de vivre dans des migrations successives. Les Anglais rendent très bien, par le mot de Bodhood, l'état de ces êtres privilégiés, parvenus à la béatitude finale et exempts de ces interminables épreuves. Entrée dans la salle du temple, elle pria de nouveau, offrit des parfums et salua l'assemblée. Puis elle engagea le supérieur du couvent à distribuer les souliers à ses religieux. Lorsque Kai Tsang vit tous les bonzes partis et la salle déserte, il se jeta aux genoux de sa mère, qui lui dit qu'à l'instant où il se chaussait, elle avait aperçu en effet une marque au petit doigt de son pied gauche. À ces mots, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant, et tous deux ils témoignèrent leur reconnaissance au vieux bonze des soins qu'il avait pris de l'enfant abandonné sur les eaux. Mais celui-ci leur dit: maintenant que la mère et le fils sont réunis, il est à craindre que le brigand Lié Huang n'en soit averti. Il faut donc vous séparer sans bruit, afin d'éviter les malheurs qui vous menaceraient. Alors la veuve donna à son fils un bracelet parfumé, en lui disant: tu iras au nord-ouest du Kiangcheu, à la distance de 1500 lis, à l'hôtellerie de Wanhoa. C'est là que nous avons laissé ton aïeule, celle qui est la mère de ton père. Je vais écrire une lettre que tu porteras dans la capitale du grand empereur des Tang. À droite du palais des clochettes d'or est celui de In Wei Qing, premier ministre de sa majesté. Ce ministre et son épouse sont les parents auxquels ta mère doit elle-même le jour. Tu présenteras cette lettre à ton aïeul en le priant de demander à l'empereur de vouloir bien envoyer des hommes et des chevaux afin de s'emparer du bandit et de venger ton père. Ensuite, tu délivreras ton aïeul de la misère dans laquelle elle doit être plongée et tu l'amèneras. Je n'ose pour l'instant demeurer davantage ici. Je craindrais que ce scélérat de Lié Huang ne s'étonnât de ma trop longue absence. Après ces paroles, elle quitta le couvent et regagna le bateau. Kai Tsang rentra en gémissant dans l'intérieur du monastère. Il rapporta au vieux Fa Ming tout ce que sa mère exigeait de lui. Puis, prenant congé du religieux, il se mit en route. Arrivé à l'hôtellerie de Wanhua, il s'informa auprès de Lié Xiao He si jadis un magistrat étranger nommé Qin n'était pas descendu dans cette maison avec une vieille mère, et si on savait ce qu'était devenue cette dame. « En effet, répondit l'hôtelier, elle est restée chez moi, mais au bout de 3 ou 4 ans, elle devint aveugle, et comme elle n'avait plus de quoi payer son logement, elle s'en alla demeurer dans un vieux four ruiné, ici près, à la porte du sud, et tous les jours elle va demander son pain. Quant au magistrat, depuis lors, et il y a bien longtemps, nous n'en avons plus entendu parler, et personne ne sait ce qu'il est devenu. » Sur cette réponse, Kai Tsang demanda où était ce four ruiné et courut chercher la vieille dame. Au son de sa voix, l'aveugle s'écria: « Oh, c'est l'accent de mon fils Quang Jui !»« Ce n'est pas lui, répondit le novice, mais c'est son fils, le fils du docteur Quang et de son épouse Wen Kiao. Pourquoi ne sont-ils venus ni l'un ni l'autre? Hélas, mon père a été assassiné par un scélérat qui a forcé ma mère à demeurer près de lui. Mais comment as-tu pu apprendre que j'étais ici et m'y venir chercher? C'est ma mère qui m'a envoyé avec une lettre pour la capitale et ce bracelet parfumé. » La vieille tâta les deux objets et s'écria les larmes aux yeux. « Hélas, je me disais, mon fils a tant de talent, il a obtenu tant de gloire qu'il a perdu tout sentiment de justice et oublié les devoirs de la reconnaissance. J'étais loin de penser qu'il eût péri victime d'un assassinat, mais je me réjouis à l'idée que le ciel compatissant ne l'a pas privé de postérité et a permis qu'il y eût un petit-fils pour venir me trouver. » « Et comment mon aïeul a-t-elle perdu la vue ? » demanda Kai Tsang. « Longtemps j'attendis ton père avec anxiété, » répondit la vieille dame. « Enfin, comme il ne venait pas, j'ai tant pleuré que mes yeux se sont fermés à la lumière. » En entendant ces tristes paroles, le jeune bonze tomba à genoux et fit cette prière. « Moi, Kai Tsang, j'ai 18 ans. Mon père et ma mère ont un ennemi dont ils ne sont pas encore vengés. » Enfin, j'ai retrouvé celle à qui je dois le jour. Il m'a été donné aussi de revoir mon aïeul. Mais si le ciel bienfaisant n'est pas sourd aux vœux que je lui adresse du fond de mon cœur, je l'en supplie, que les deux yeux de mon aïeul s'ouvrent de nouveau à la clarté du jour. » Cela dit, il passa l'extrémité de sa langue sur les paupières de la pauvre aveugle, et au même instant, elle recouvra la vue. Dès qu'elle put voir le novice, Chang Chi s'écria: Ce sont là tous les traits de mon fils Kwang Jui. Sa joie était au comble et elle se sentait vivement émue. Kai Tsang pria son aïeul de sortir de ce four et la conduisit de nouveau dans l'hôtellerie. Il paya ce qui était dû pour le logement. Puis, après avoir pris quelque repos, il donna à la vieille dame l'argent dont elle avait besoin jusqu'à son retour en lui disant « Il y a plus d'un mois que je suis en voyage. Il faut que je vous quitte pour aller à la capitale. » Arrivé à la résidence de l'empereur, il se rendit aux portes de l'hôtel de Wei Qing et dit aux gardes qu'il avait besoin de voir le ministre et que d'ailleurs il était son parent. Quand on lui fit part de cette demande, le ministre répondit qu'il n'avait pas de bonze dans sa famille. Mais son épouse lui dit « La nuit dernière, j'ai vu en songe ma fille, Wen Qiao. Ce doit être une lettre de notre gendre qu'on nous apporte. » Le ministre donna ordre de faire entrer le jeune bonze dans la salle du palais. À peine Kai Tsang eut-il aperçu Wei Qing et son épouse qu'il éclata en sanglots. Puis, s'inclinant jusqu'à terre, il tira de sous sa robe la lettre dont il était chargé et la leur présenta. Le ministre l'ouvre, la lit et fond en larmes en jetant des cris de douleur. « Qu'y a-t-il donc ? » lui demanda son épouse. Et le ministre lui raconta tout ce qui était contenu dans la lettre. À ce récit, la belle-mère de Kwang Jui s'abandonna aussi au plus violent chagrin et versa un torrent de pleurs. « Rassurez-vous, lui dit alors son époux, j'irai déclarer cet événement à sa majesté et lui demander des troupes pour venger notre gendre. » Le lendemain, Wei Qing se rendit à la cour et informa l'empereur de l'assassinat dont Kwang Jui avait été victime, de l'oppression exercée envers sa veuve, enfin de l'usurpation des titres du défunt. L'empereur, saisi d'une violente colère, fit assembler les 60 000 hommes de sa garde et donna ordre au ministre de partir en avant à la tête des troupes. Dès qu'il fut sorti, Wei Qing réunit les soldats et les dirigea sur le Qiangcheng. Il marchait le jour, le soir il se reposait, faisant diligence et rapide dans leur course comme l'étoile filante. Bientôt on arriva au Qiangcheu et les troupes se retranchèrent sur la rive septentrionale du fleuve. Pendant la nuit, à la lueur des étoiles, on distribua au peuple la proclamation impériale et les deux magistrats, les premiers en grade après le préfet, apprirent ce qui allait se passer de la bouche du ministre, qui les pria de concourir avec leurs troupes au succès de l'entreprise. Tout le monde passa le fleuve en même temps, et il ne faisait pas jour encore que le palais de Lié Wuhong était déjà cerné. Or, à cet instant, Lié Wuhong dormait. Il entendit le bruit des armes et le roulement des tambours résonnant tous à la fois. Les soldats se précipitèrent dans le palais, les armes à la main, et le bandit ne put leur échapper. Il fut pris. Le ministre fit annoncer à l'armée que le brigand Lié Wuhong, lié et garrotté, allait subir le châtiment de son crime et prescrivit aux soldats de se tenir prêts, hors de la ville, sur la place des exécutions. Wei Qing entra dans la salle principale du palais et fit prier sa fille de se présenter devant lui. Mais elle hésitait et voulait laver sa honte avant de paraître devant son père. Elle avait même formé la résolution de se pendre. Dès que Kai Tsang en fut averti, il courut bien vite pour l'arracher à ce trépas volontaire, et se jetant à ses genoux, « Puisque sur ma prière, lui dit-il, mon aïeul est venu avec des troupes, votre époux est vengé, le monstre va expier son forfait. Pourquoi donc, ô ma mère, persister à vouloir vous donner la mort? Si vous mourrez aussi, votre fils pourra-t-il vous survivre ?» Le ministre arriva, qui joignit ses propres instances pour exhorter sa fille à se calmer. Mais la pauvre veuve s'écriait. « J'ai entendu dire qu'une femme doit rester inconsolable de la perte de son époux. Le mien a été assassiné par un bandit, et moi j'ai pu me déshonorer au point de suivre ce misérable. Il est vrai que ce fut à cause de l'enfant que je portais dans mon sein, que ce fut à cause de lui que je consentis à vivre, en dépit de toutes les lois humaines. Aujourd'hui, Ce fils est grand. Mon père est venu châtier le brigand. Quant à moi, qu'ai-je besoin de me présenter devant lui? Il ne me reste plus qu'à mourir pour acquitter ma dette envers mon époux. Ni moi ni mon fils, répliqua le ministre, ne voulons fouler aux pieds une si grande douleur et approuver une conduite qui serait contraire à la chasteté d'une veuve. Mais ce qui s'est passé, il était au-dessus de nos forces de l'empêcher. Ainsi, de quoi donc rougirais-tu? L'aïeul et le petit-fils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en sanglotant. Kaï-tsang ne pouvait arrêter le cours de sa douleur. Cependant, le ministre essuya ses larmes et dit « Mes enfants, modérez votre chagrin. J'ai déjà tiré vengeance du scélérat Liu Hong et son supplice est une chose arrêtée. » Huai Qing se rendit au lieu des exécutions. Les deux magistrats principaux du Qiangcheu avaient en toute hâte expédié des soldats à la recherche du complice Li Piehu, et on l'amenait pour le traduire en justice. Satisfait de cette nouvelle, le ministre fit attacher les deux brigands et chaque bourreau leur donna 100 coups de bâton. Par ce moyen, on parvint à en obtenir des aveux, qui firent reconnaître que jadis, contre toutes les lois divines et humaines, ils avaient comploté et accompli le meurtre du docteur Quang Jui. On procéda au supplice de ces deux scélérats en commençant par Li Piehu. Cloué sur un chevalet, on le traîna au milieu de la place du marché. Là, son corps fut coupé en morceaux et sa tête montrée au peuple. Quant à Liu Hong, on le conduisit à l'embouchure du fleuve, à l'endroit même où il avait commis le crime. Accompagné de sa fille et de son fils, le ministre arriva sur le bord du fleuve Qiang afin d'y accomplir un sacrifice sanglant. Il offrit à la victime le cœur du meurtrier et y joignit un papier qu'il brûla. Puis, tous les trois, ils se penchèrent sur les eaux et versèrent des larmes. Leurs soupirs furent entendus dans l'empire des ondes. Le génie qui préside à l'inspection des mers alla présenter ce papier au roi des dragons, qui dépêcha aussitôt le chef suprême des grandes tortues vers le défunt Quang Jui pour le prier de venir le trouver. « Docteur, s'écria le roi des eaux en le voyant, réjouissez-vous. Votre épouse, votre fils et le ministre, votre beau-père, sont venus faire sur le bord du fleuve un sacrifice expiatoire. Je vais vous rendre la vie et animer de nouveau votre corps. En outre, voici une perle de l'espèce Yu-Yi et une autre de l'espèce Tseu-Pan. Yu-Yi signifie « selon le désir », c'est-à-dire une pierre précieuse avec laquelle on pourrait acheter tout ce qui est désirable. Tseu-Pan signifie « qui s'agite sur le plateau ». Ce diamant est ainsi appelé parce qu'il semble dans un perpétuel mouvement à cause de l'oscillation de la lumière qu'il reflète. 10 pièces d'étoffe de soie et enfin une ceinture de jade et de diamants. Je vous les offre avec respect. Aujourd'hui même, vous allez revoir votre épouse et votre vieille mère. » Le docteur salua le roi des dragons et lui fit ses remerciements. Alors le petit génie, prenant le cadavre du défunt qui était resté à l'embouchure du fleuve, y réintégra l'âme absente et, cet acte accompli, il s'éloigna. Après avoir longuement pleuré et honoré les mânes de son époux, la veuve de Quang Jui voulut chercher la mort dans les eaux du fleuve, mais son fils l'arrêta au péril de ses jours. Au moment de leur plus vive angoisse, ils aperçurent tout à coup, à la surface de l'eau, un cadavre qui flottait en s'avançant vers le rivage. Wen Qiao s'élance pour le reconnaître. C'était bien lui, c'était le corps de son époux. À cette vue, sa joie se trahit par un torrent de larmes. Tous ceux qui étaient présents s'approchèrent aussi et distinguèrent le cadavre qui se leva lentement sur ses pieds. Peu à peu, le corps s'anima. Il grimpa sur le rivage et vint s'y asseoir à la stupéfaction de l'assemblée. Quang Jui, ayant ouvert les yeux, regarda sa femme qui était là près de lui, pleurant ainsi que le ministre Wei Qing et le jeune bonze. « Que faites-vous ici ?» leur demanda le docteur ressuscité. « Vous avez été assassiné ?» lui répondit son épouse. « Notre fils, recueilli dans le couvent de King Chan, a été l'instrument de votre résurrection. » Puis, après avoir raconté toute cette histoire, « Je ne sais en vérité, ajouta-t-elle, si j'ai devant les yeux mon époux vivant ou l'ombre de mon époux. « Ce petit poisson d'or que j'ai remis à l'eau, répliqua le docteur, c'était le roi des dragons, et c'est lui qui, à son tour, m'a sauvé. Il a rendu à mon corps l'âme qui en était séparée, et il m'a fait présent en outre de plusieurs objets précieux que je porte sur moi. Puis donc que notre fils a pu obtenir de son aïeul le ministre que je fusse vengé de mon ennemi, notre douleur se change en une joie sans égale. » Les magistrats joignirent leurs félicitations à ces paroles, et le ministre fit préparer un banquet pour remercier ses subordonnés de la part qu'ils avaient prise à l'événement. L'armée entière, cavaliers et fantassins, s'étant mise en marche pour retourner à la capitale, arriva à l'hôtellerie de Wanhoa, où le ministre ordonna de camper. Le docteur était parti avec son fils pour y aller retrouver leur mère. Or, cette nuit-là, la vieille dame avait rêvé qu'elle voyait refleurir subitement un arbre desséché et que des oiseaux de bon augure gazouillaient gaiement derrière la maison. Elle s'était dit alors, « Assurément, ce que mon fils arrive !» À peine avait-elle exprimé cette pensée que Kwang Jui parut et, la montrant du doigt, il s'écria, « Voilà ma mère !» Aussitôt, il se précipita dans ses bras et tous les deux pleurèrent de tendresse. Après avoir raconté ce qui s'était passé, il paya l'hôtelier, puis tous trois prirent le chemin de la capitale où ils se présentèrent chez le ministre. Les époux, réunis après une si longue absence, étaient au comble de l'ivresse. Ils ordonnèrent un grand festin en réjouissance d'un si heureux dénouement. Le ministre voulut que cette fête fût appelée Tuan Yuan Hui, réunion des tendres époux. Ce jour fut consacré par toute la famille au plaisir et à l'allégresse. Le lendemain, l'empereur étant assis au milieu des magistrats, le ministre lui raconta ce qui s'était passé et parla avec éloge de son gendre comme d'un homme dont on pouvait tirer grand parti. Sa Majesté, agréant sa proposition, nomma le docteur ministre d'État et le retint à la cour pour veiller aux affaires. Son fils Kai Tsang était décidé à embrasser la vie religieuse. Il alla en conséquence se perfectionner dans la vertu au couvent de Hongfo. Dans la suite, l'épouse de Kwang Jui, après de mûres réflexions, accomplit le fatal dessein qu'elle nourrissait depuis longtemps et se donna la mort. Kai Tsang fit un voyage au couvent de Qinshan, tout exprès pour remercier le vieux bonze Fa Ming des soins qu'il avait pris de son enfance.